是六，那两七四，对的，现在，啊。What happened to me, Pitas? Pitas. Cherche un concurrent, c'est Gobi, Pitas. Personne désire, Pitas. Tu veux les prods, appelle Gobi, Pitas. Cherche un concurrent, c'est Gobi, Pitas. Je veux juste les sous, aussi simple que 1, 2, 3. Gros, je regarde le rap, je joue en plein de proies. J'suis comme Anakin, tu sens la force. Inch'Allah, bientôt tu cours dans la Porsche. Shenzhen dans la défense, mets des tacs dans la gorge. 667, c'est le clan négro. Depuis le début, j'ai le plan négro. J'veux de mes bacs une Panamera. Mercedes, j'ai le blanc négro. Si tu t'allumes comme moi, tu vas laquer. S.O. Sun Tzu, j'attaque du côté où tu vas laquer. Pétard, c'est clip, j'ai les pieds, j'ai les calmants. Berlin, je vais me fournir chez les Allemands. J'suis à l'intérieur, j'fume plus à l'extérieur. Les fume à domicile, les fume à l'extérieur. Appelle Bobby pour les prods, pétasse. J'suis dans les drogues, pétasse. J'suis désolé, mais c'est les blancs qui vivaient dans les grottes. Pétasse, 2004, j'suis dans la trappe. Pétasse, dans les shit, dans la frappe. Pétasse, iPhone en mode avion quand ça gratte. Pétasse, équipe. Tu veux les prods, appelle Bobby, pétasse. Cherche un concurrent, c'est Gobi, pétasse. Personne désire, pétasse. Tu veux les prods, appelle Bobi, pétasse. Cherche un concurrent, c'est Gobi, pétasse.